comme un mauvais pressentiment. Elle vient me l'annoncer. Prends tes affaires et va-t'en. Alors c'est comme une étoile qui s'éteint. Je dois me résoudre à le faire. Et même si je prends le train du destin qui m'emmènera vers un autre univers. Une étoile filante, je retrouve le goût de...